là là là là là. Mais on va jamais y arriver. Hein. Mais si, c'est quand on est face au mur. Mais qu'on voit mieux le mur. Ouais, oui. Salut les amis. Salut Alex. Dis donc, il était temps que t'arrives, hein, parce que j'étais en train de donner mes dernières instructions. Par rapport à. Bah par rapport au fait que je pars en vacances 3 jours. Non. Bah oui. Bah si. Bah Alex, rappelle-toi, tu présentes l'émission. Je suis le chef. Non, tu vas présenter l'émission. Guillaume va faire les news avec toi et les filles vont t'aider pour les sujets. Bon, on a les sujets déjà. Bah on cherche. J'ai dit aider, pas faire le boulot à ta place. Ok, j'avais mal compris ça. Oui. Et pour vous soutenir pendant ces 3 jours, j'ai demandé à quelqu'un de venir vous aider à la présentation. Ah bon? Ah super. Ah, une fille super. Ah génial, Anne-Claire Coudray. Oh bah non, mieux. Mieux. Mon Karine Ferry. Ouais. Bah, beaucoup mieux. Mieux encore, Sandrine Quétier. Ouais, mais non, Juliette Arnault. Non, mais du coup, c'est pas vraiment une surprise en non, fait. Ben, ni une plus-value, vraiment. Oui, alors disons que la dernière fois que je vous ai laissé tous les deux, on était à ça d'avoir Chaim comme invité. Oui, elle a dû annuler pour aller sur Énergie. Bah ouais, ça aurait fait une bonne émission. Elle a plein de choses à dire sur l'actu. C'est sûr qu'elle aurait eu un avis sur les excellents sujets que vous aviez choisis. Bah, l'échangisme en milieu rural. C'était un bon sujet, ça. Et c'était une étude très sérieuse. C'est ça. Bah, pour éviter que ce soit trop sérieux, justement, Juliette surveillera. Voilà. Ok. Je vous laisse, faites ça bien. Bonne vacances. Salut. Allez, les sujets, on y va. On n'attend pas Juliette. Non, c'est bon. Alors moi j'avais pensé, il y a l'échangisme en milieu urbain. Ah voilà un beau sujet, et ça part d'une très très bonne étude. Très sérieuse. Si j'entends ça sur l'antenne, vous êtes virée dès mon retour. Elle était pas partie. D'accord. Bonnes vacances, Charline. Bonjour la France Inter, libérée de sa patronne. Mais sachez que Charline nous a laissé son sérieux. Malheureusement, personne n'est capable de s'en servir. On va donc essayer de faire de notre mieux, chers auditeurs. Vous écoutez l'émission qui fait avancer l'actualité comme un pack de Néo-Zélandais. Et voici les 3 informations qui vont être piétinées jusque 18h. C'est l'une des stars les plus méconnues de l'actualité française. Vous savez tout ce qu'il est, mais vous le connaissez mal. En fait, sa chemise est plus célèbre que lui. Xavier Brossetta, le DRH d'Air France, a donné sa première interview. Allez, on se remémore ses plus grands exploits. Vas-y petit, vas-y. Oui! Et oui, il y est arrivé au-dessus de la haie. Le rugby français ne vit pas sa meilleure période. Après la journée porte ouverte organisée par le 15 de France contre les All Blacks, va sérieusement falloir se reprendre. Bien, je voudrais porter un toast au goût de la défaite. Buvez, souvenez-vous-en et faites-vous la promesse de ne plus jamais y goûter. Les politiques aiment se donner des surnoms et en général, ils ne sont pas affectueux. De Montebourde à méchant con, en passant par Napoléon pour Sarko et déménageur pour Marine Le Pen, le problème des surnoms, c'est qu'on n'aime pas toujours les entendre. Alors comme ça, je n'aime que toi, petite fleur des champs, c'est où? Ah oui? Et voilà, il n'y avait qu'à pas. Je suis accompagné pour ces 3 jours de celle qu'on surnomme Mignonnette, parce qu'elle est mignonne et qu'elle aime boire des petites quantités. C'est Juliette Arnault. Bonjour Juliette, je suis ravi en fait de partager ce remplacement avec vous. Voilà, c'est important de le dire. Bonsoir Alex. Bonsoir. Alors, qu'on a à table? Alors aujourd'hui, une équipe de chroniqueurs chatoyante, que des hommes. Ça va faire beaucoup de virilité, trop de virilité peut-être, dirait d'aucune. Donc j'ai pris sur moi de révéler leur surnom. Nous aurons d'abord Hippolyte Girardot, aux alentours de 17h20, qui n'est toujours pas le fils d'Annie, mais bien le père d'Anna. Hippolyte Girardot, qui a force de révérer d'abord la désinvolture, la nonchalance et la légèreté chez ses pères, tels Mastroianni et Jean-Pierre Cassel, a gagné le surnom de « Si tu glandes bien, tu arrives bien ». Sa chronique sera-t-elle à l'avenant? Hippolyte, de quoi allez-vous nous parler? Ranger. Ça c'est normal, Juliette. Ça c'est désinvolte. On ne sait jamais. En fait, il l'a pas écrite encore. C'est pour ça. Vous vous faites bien d'ouvrir Guillaume Meurice, puisque vous arriverez un petit peu plus tard, aux alentours de 17h30. Guillaume Meurice, surnommé Avrel. On pourrait penser que c'est parce que c'est le plus grand, le plus bête et le plus jeune des frères Dalton. Mais on se trompe lourdement. C'est parce que sa phrase préférée, c'est « Quand est-ce qu'on mange ?» Guillaume. C'est vrai. Vous me connaissez bien. Bonjour Juliette et bonjour Alex. Moi, je me suis rendu dans le Nord-Pas-de-Calais, figurez-vous, à la rencontre des électeurs qui ont 3 choix pour les régionales. Lesquels ? Socialiste, républicain et Martine Le Pen. Et oui, Martine Le Pen, bien évidemment, un mélange de Martine Aubry et de Marine Le Pen. Enfin, bon dernier, mais certainement pas dans mon cœur, Samir Bouadi, qui, malgré un vrai talent pour insuffler poésie et sensibilité au rude monde du sport, a hérité du surnom de Gros Slip, pour des raisons que la décence et ma mère m'interdisent de développer ici. C'est gentil qu'elle accueille, je vais vous parler, moi, du commentaire sportif, ça tombe bien, comme baromètre fiable de la niaiserie actuelle. Si tu écoutes J'annule tout, est présent dans un monde virtuel sur Twitter, hashtag annule tout, et sur Facebook, on approche les 25 000 amis imaginaires. Rejoignez-nous. Et surtout, chaque jour, nous sommes accompagnés d'un référent de la République qui préside cette émission. Vous êtes né sous Vincent Auriol. Vous êtes, oui, bah, ça fait toujours mieux. C'était mon père. Moi. Vous êtes joueur au rugby club toulonnais en 66, l'année où Antoine, votre sosie capillaire, chante des élucubrations. Vous devenez entraîneur et remportez le bouclier de Brennus en 87, l'année de la première saison d'Amour, Gloire et Beauté. En 2012, vous êtes comédien. Vous jouez votre propre rôle dans un épisode de Fais pas ci, fais pas ça, l'année du décès du grand réalisateur Théo Angelopoulos, mais a priori, il n'y a pas de lien. Vous êtes... Je m'appelle Daniel Herrero, je suis en bonne forme, je suis ravi d'être là et merci de cette présentation, elle est affriolante. Attention, on va se faire plaquer, c'est Daniel Herrero. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Vous êtes Daniel Herrero et quand on dit Daniel Herrero, les gens répondent rugby, évidemment. Et affriolant aussi. Alors, vous revenez de Londres, où vous avez été voir les deux demi-finales de la Coupe du Monde de rugby. Alors, qui va la gagner? Comme ça, on va gagner du temps. On ne sait pas radicalement, mais on connaît la finale quand même, puisqu'elle opposera l'Australie à la Nouvelle-Zélande. Ce sont les deux meilleures équipes du monde. Elles sont remarquables, flamboyantes, en pleine bourre, et elles sont même libérées du cœur et de la tête. Ce qui veut dire que la finale sera belle, et chaque fois que l'on prononce le mot des All Blacks, quand même, on a la sensation qu'il est synonyme de favori. Ouais. C'est rigolo, parce que donc, vous êtes français, et vous vous enthousiasmez à fond pour cette finale, parce que vous aimez plus le rugby, peut-être, que l'équipe de France en foot. S'il n'y a pas la France en finale, les gens vont dire ouais, on va regarder, mais d'un œil, quoi. Ouais. C'est peut-être non, j'aime beaucoup l'équipe de France. Les Coquelets me sensibilisent et quand ils sont remarquables, ce qui remonte à loin déjà dans mon mémoire, ils génèrent du bonheur et quand ils sont pitoyables comme ils le furent dans les derniers temps, c'est quand même inquiétant. De fait, j'adore l'aventure de ce jour. Je le trouve remarquable et chaque fois qu'il pétille, comme c'est le cas, par exemple en ce moment en Coupe du Monde sans les coques, c'est pour moi parfaitement passionnant. Ouais. Et on le sent dans votre dictionnaire amoureux du rugby, Daniel Herrero, qui ressort illustré parce qu'il était sorti ici. Il y a des très belles photos, ça donne extrêmement envie d'aimer le rugby. Et je vous dis ça parce que vous en parlez de la planète Ovalie comme quelque chose qui pour les gens qui ne serait pas fan, serait difficile d'accès. Est-ce que vous le concevez, ça, que quand on ne connaît pas bien le rugby, on ne sait pas vraiment par quelle porte y rentrer ? Le jeu, certainement, il a une simplicité globale, tu vois, c'est 15 mecs contre 15 mecs sur un hectare de terrain qui se bourrent le mou pour aller porter un ballon là-bas au bout d'une ligne, c'est quand ça même on avait pigé, ça on l'avait. Oui. Là, pour ceux qui disent le collègue à ma droite, j'avais un doute, mais ça c'est l'essentiel. Quoi. C'est quand même l'essentiel. Non mais sauf qu'il faut y aller en arrière déjà, ça alors, complique. Alors, après là, ça gâte un peu, il faut effectivement courir en avant en se passant la balle en arrière. Donc ça c'est une petite subtilité, mais c'est anglais. Et de fait c'est assez simple, hein. Quand le porteur de la balle a l'enjeu dans les mains, on se met les 14 autres derrière pour le protéger et pour le sécuriser. Voilà, pas plus, pas moins. Quand t'as compris ça, t'as compris l'aventure du jeu. Et l'aventure du jeu, elle t'ouvre dans un univers moral, celui-là, quoi. Celui-là qui est celui du partage, du solidaire et du groupe. Voilà. La morale qui est plus importante, quelque part, que les gens qui la font. Parce que dans votre dictionnaire amoureux du rugby, il y a un seul joueur. Si on avait fait un dictionnaire amoureux du foot, il y aurait Cruyff, il y aurait Maradona, il y aurait Zidane. Ici, vous en avez un seul et c'est... Et c'est Jonas Lomu. Alors, nous n'avons pas non plus la culture historique dans le monde de l'Ovalie, dans cette espèce d'univers un peu sans frontières, aux limites de l'impertinent, dont on ne connaît pas bien non plus tous les tenants et les aboutissants, tout au moins en termes de territoire. Nous n'avons pas la culture de la star, ce qui brille et ce qui est éphémère et ce qui passe. Nous avons la sacralisation du groupe. Donc, peut-être parce qu'on n'a pas de star. Non, il y en a eu beaucoup, de fait. Hein, de fait. Il n'y a rien. Je t'en mets des trucs. Bah, par exemple, dans le rugby de France, tu vois, qu'à un siècle et demi d'âge, même si je te vois peu profane, enfin, particulièrement profane, je dirais peu initié. Voilà. Chabal, je sais pas. Non, alors ça, c'est pas mal. Mais t'as entendu parler de Jean-Pierre Horry ou de Serge Blanco. Mais quand même, la glorification nous va pas bien, quoi. Chaque fois qu'il y en a un qui se boursoufle de l'ego, en rugby, ça nous irrite. Voilà. Oh, il dit, t'es les dieux du stade. Oui, mais. Ils sont pas boursouflés de l'ego. Parce que là, vous êtes dans l'aventure de Si tu écoutes, j'annule tout. Et on y va tous ensemble. Attention, musique. Et comme Charlie n'est pas là, c'est la fête 17h17, si tu écoutes J'annule tout avec Daniel Herrero. Yeah. bien, à ma grande surprise, c'est Michael Jackson qui nous chante ceci. Un petit jeune. Non stop till you get enough. Ne t'arrête pas tant qu'il n'y en a pas assez. C'est ça que ça veut dire. Ah, Juliette Arnaud. Très précisément. Eh bien, Juliette Arnaud qui est avec nous. Pour si tu écoutes Jalut, tu es qui autour de la table, dites-nous. Eh bien, nous avons Hippolyte Girardot. Oui, lui-même. À sa gauche, Samir. Voilà, on sent que vous les découvrez un peu. Et ensuite, Guillaume Meurice. Voilà, et surtout notre invité Daniel Herrero pour Dictionnaire amoureux du rugby, version illustrée. Et donc cette fois, vous avez eu besoin de deux éditeurs. Il y en a un qui a fait les textes, l'autre illustration. Plomb, Flammarion. Et c'est vraiment un très très beau livre. Et puis moi, j'ai été touché parce qu'à une des pages, il y a bière. Et en tant que Belge, c'est peut-être la chose qu'on partage le plus avec les rugbyman. Et vous dites que c'est important. Donc nous, on pensait que c'était pastis, mais non, c'est la bière. Ah non, c'est la bière. Oui, historiquement, voilà. Depuis un millénaire, elle est sacrée pour nous dans l'aventure. Parce que la bière, elle accompagne de la troisième mi-temps. Les deux premiers mi-temps sont rudes et pénibles, sévères, et ça couine aux quatre coins du terrain. Et, mais dès que l'arbitre siffle la main, les mains se tendent et les gorgeons vont devenir quasiment obligatoires. La convivialité sera la base fondamentale de l'aventure du rugbyman dans le monde d'Ovalie cité tout à l'heure. Et, ah oui, oui, non, c'est obligatoire. C'est pour ça que. Deux mi-temps de rude, une mi-temps de doux. Mais libérer les mots sera dur, alors on boit du gorgeon. Mais parce qu'il y a des protéines dans la bière, bien sûr. Ouais, non. On pourrait dire ça. Il y a, la bière stimule un peu le neurone supérieur, quand même, malgré tout. Mais là, c'est là que les Belges ont un peu d'avance, puisque nous on ne fait pas demi-temps avant de boire des bières. Et Daniel Herrero, attention, j'ai changé de partenaire. Et on salue bien évidemment le CSA. Oui, bien sûr, pardon, oui, c'est vrai qu'ils nous écoutent. J'ai changé de partenaire, mais pas de passion pour l'information, puisque c'est le journal de presque 17h17. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Et on commence avec les titres. C'est moi qui commence. Eh ben, pourquoi vous n'avez pas commencé? Très bien. Manuel Valls s'est rendu au Mureaux avec 17 ministres. Comme quoi, le problème des racailles en banlieue n'est toujours pas résolu. Culture. Les femmes de ménage du musée de Bolzano jettent une œuvre d'art à la poubelle. Ne serait-ce pas là le vrai happening. Et quelques brèves, profitons-en pendant l'absence de Charline. C'est ça. Manuel Valls, c'est son orchestre. Attendez la fin de voilà, c'est un vrai journal. Vous n'avez pas l'air de mesurer que c'est l'actualité précise. Non, c'est vrai, je n'ai pas le sens de ça. Me reprends. Manuel Valls et son orchestre. Voilà. 17 ministres se sont rendus dans les Yvelines 10 ans après les émeutes de Clichy-sous-Bois. Voilà, et il y avait peu de monde et une journaliste a demandé au Premier ministre ce qu'il pensait du fait que les gens ne soient pas venus l'acclamer. Il y a un lundi matin moins de monde, c'est normal. Les gens sont au travail et puis nous sommes dans la période de vacances. Ah, soit ils sont au travail, soit c'est la période de vacances. En tout cas, il y avait presque plus de ministres que de badauds ce matin. On reste à gauche, Régional 2015. Pour Jean-Yves Le Drian, quitter la Défense serait un crève-cœur. Et oui, s'il devenait président de région, il devrait quitter le ministère de la Défense. Et c'est normal, un socialiste qui gagne n'aurait pas sa place au gouvernement. Passons à droite, le parti Les Républicains propose une loi contre la fraude sociale. Voilà, et c'est normal qu'ils proposent ça. Ils sont bien placés pour parler de fraude à l'État. Et si on est puni suite à cette nouvelle loi, il reste toujours une solution, s'engager chez Les Républicains. Société, un sondage Opinionway réalisé pour BFM Business prouve que plus de 2 Français sur 3 sont heureux au travail. 2 Français sur 3 sont heureux au travail, c'est cohérent dans la mesure où 2/3 des entreprises françaises n'ont pas encore été rachetées par Vincent Bolloré. International, Bulgarie, des chasseurs sensibilisés pour ne pas confondre gibier et migrants. Eh oui, c'est important, parce que c'est quoi un bon chasseur et un mauvais chasseur? Le bon chasseur, c'est Angela Merkel, hein, voilà, qui tire sur le gibier. Le mauvais chasseur, c'est Viktor Orban qui lui, hop, il fait pas gaffe. Succession, Sepp Blatter, un nouveau candidat à la présidence de la FIFA, le Sud-Africain Tokyo Sexwell. Comment vous dites ? Tokyo Sexwell. Voilà, Franck Ribéry a immédiatement témoigné de son soutien avec un titre qui a un nom de stripteaseuse. Italie, les femmes de ménage d'un musée jettent par erreur une installation d'art à la poubelle. Oui, mais maintenant, pour pouvoir faire la poussière dans un musée, il va falloir un doctorat en histoire de l'art, c'est ça le jeu. Cette installation mettait en scène les restes d'une fête bien arrosée. Bon, bah ça devrait être facile à refaire. Un petit week-end en Italie, Juliette, ça vous dit ? Je vous en supplie. Nouvelle technologie, chiffres surprenants du streaming sur le net. En France, Plus belle la vie est plus regardée que Games of Thrones. Eh bien, Plus belle la vie, c'est un peu comme Games of Thrones. Ça fait aussi des années qu'on attend l'hiver. Série toujours avec le Comic-Con qui a lieu ce week-end à Paris. 30 000 personnes sont venues se déguiser en héros de série. Des déguisements pour la plupart faits maison. et Le Parisien a été à la rencontre de ces gens qui, le temps d'une journée, se sont pris pour des super-héros. On écoute Batman. Ce costume de Batman, on l'a fait en quelques mois déjà. Ça a été fait entièrement en mousse de tapis de fitness. Avec un collant par en dessous. Donc c'est des heures et des heures de collage, des heures d'essai, des heures de ratage. L'important, c'est la créativité. On écoute ce jeune homme qui est entre X-Men et une canette géante. Ça a été fabriqué en tôle d'aluminium, donc il y a à peu près 200 pièces au total, soudées, de la peinture d'industriel par-dessus, et le tour est joué. Je dirais 100-200 heures, fabrication, conception, environ beaucoup de temps. Environ beaucoup de temps. En tout cas, Comobi, c'est moins dérangeant pour les autres que le djihad. Et on termine par une brève. Oui, une brève, ça on peut faire les deux. Hein, on peut faire les deux. On encourage les jeunes quand même à entreprendre des choses. En Batman. Ça s'est passé en Bretagne ce week-end. Il met le feu à sa voiture et tente d'éteindre l'incendie avec de l'huile de moteur. Pas de chance, amis bretons, soyez vigilants. Est-ce que tout va bien, Daniel Herrero? Jusque-là, parfait, docteur. Ça va, est-ce que vous êtes prêts pour attaquer le premier sujet? Parce qu'on est une émission qui change le monde. J'ai l'impression que ça, jusque-là, ça vous a échappé. Mais tout de suite, ça va se recentrer. Premier sujet, il s'est racheté une nouvelle chemise et s'est remis de ses efforts physiques pour parler aux Parisiens. Xavier Brossetta, le DRH d'Air France, est de retour avec son coach pour parler de la suite du dialogue social. La grande aventure des joutes ancestrales a toujours été le domaine réservé aux seuls êtres imbibés de testostérone. Et donc nous allons apprendre à laisser s'exprimer cette agressivité tout en la canalisant. Hein, c'est ça. Et toi la petite là, on n'est pas à Saint-Tropez là, hein, ça va tomber de rue, prépare-toi bien. Hein. Vous avez reconnu le comédien? Me semble-t-il, ouais. Je ne suis pas sûr qu'il soit un comédien. Ouais, il n'est pas mauvais quand même, fais pas ça, Daniel Herrero. Alors vous, bon, donc Xavier Brossetta s'exprime, alors le journaliste du Parisien dit qu'il a été dans son bureau, et rigolade, dans son bureau, qu'est-ce qu'il y a comme affiche de film? La grande évasion, ça ne s'invente pas. Qu'est-ce que vous avez pensé quand vous avez vu ces images de ce DRH qui court? Alors il explique que la clôture faisait 2,5 mètres de haut et qu'il est arrivé en se disant « putain c'est haut » en voyant toute cette foule lui courir derrière. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Ah, j'ai pensé qu'il avait quand même un peu d'aptitude physique, parce que normalement avec un minimum de gestuelle, il doit le franchir tranquille. J'ai pensé qu'il s'est quand même pris une peur bleue, et j'ai pensé surtout qu'il s'est trouvé dans un univers qui n'avait pas envisagé, quoi. Il n'avait pas envisagé qu'il pouvait avoir en face de lui les gens qui géraient au quotidien, qui avaient un fond d'irritation au cœur, un fond de bave à la lèvre et un fond de haine qui s'approchait tellement la déconsidération du monde du patronat sur cette équipe-là était colossale. En d'autres termes, l'irritation qu'il a rencontrée, il n'avait pas prévu qu'elle soit de ce niveau de rigueur, et j'avoue qu'à un moment, elle me séduit presque. Que la rébellion, comme ça, la rébellion de celui qui est nié ou banni, hein, d'une réflexion qu'on pourrait appeler soit le dialogue social, soit purement et simplement la considération du travailleur. Je pense que c'était quelque chose qui était presque réjouissant de montrer que la colère, à un moment, avait une légitimité. Après, il reste quand même que dans la République, ça se fait pas. Voilà, donc là, vous avez ouvert les deux pans du débat, mais vous qui allez régulièrement dans les entreprises parler de justement de gestion humaine des choses, vous êtes un des premiers à avoir fait des conférences pour parler de l'esprit d'équipe, de l'esprit des choses. Ah, c'est vous qui les avez coachés en fait. Pour ils ont fait un môle pénétrant. Non, mais ils étaient déjà en genre. On voit une expertise incontestable. Oui, la métaphore est recevable. Il apprend. Savais pas qu'il était spécialiste du jeu d'avant. Il est spécialiste du jeu de devant. Chose autoproclamé. Mais non, vous, qu'est-ce que vous leur auriez dit à ce DRH quand il annonce quelque chose comme ça? Est-ce qu'à ce moment-là, il ne doit pas non plus s'enfuir? Enfin, quelle image ça donne? Oui. J'aurais sans doute dit que le débat préalable n'a pas été habité par le courage. Et que lui, il va falloir quand même qu'il en ait. Le courage, ça veut dire que dans tout ce qu'il y a eu pour en arriver à ce moment-là, c'était ou de l'équivoque, ou de la fourberie, ou du sournois, ou du mesquin, ou du déconsidérant pour lui-même. Du management, quoi. Voilà, ouais, là, c'était assez faible. Et lui, on va lui dire maintenant que toi, il va falloir que tu sois trempé dans l'acier. Parce que la meilleure façon de sécuriser le monde, c'est de pas baisser les yeux dans la tempête. S'il reste là, il peut se faire un peu mâcher, ce qui aurait été quand même très préjudiciable à tous les titres. Il peut se faire mâcher. Mais je pense qu'il aurait été, sans aucun doute, un des artisans dans l'aventure du débat, on baisse pas les yeux, on trouve l'argument et on y va jusqu'au bout. Et que c'est l'argumentaire qui fera la décision et c'est pas sans doute la puissance du biscotto. On attend la deuxième mi-temps de la négociation sociale à Air France parce que ça risque d'être mouvementé. Hippolyte Girardot, lui, c'est pas le genre à baisser les yeux devant la difficulté de faire une chronique claire, nette, précise et sur un thème choisi avec application. Avec beaucoup d'applications, je le sais. Mais bon, aujourd'hui, je suis un petit peu intimidé devant l'as de la tchatche, de l'improvisation verbale, évidemment. Néanmoins, je vais vaillamment me lancer dans cette chronique comme on se jette dans la mêlée. Eh oui, Guillaume, moi aussi, j'ai de la littérature derrière moi. Bon, mais je ne vais pas me servir de l'absence de Charline aujourd'hui pour abuser de ses comparaisons trop faciles. Car ici, cher référent de la République, il y a des règles déontologiques et je les respecte. Pas de croche-pattes dans les neurones, de coups de pattes dans les potins privés, pas de fourchette ni de cravate au niveau des métaphores. Je n'ai pas le droit au coup de genou dans le temps qui passe, ni bien sûr au coup de courge dans la côtelette de l'invité, surtout s'il mesure 1m88 pour 85 kilos. Et même s'il s'est déguisé en altermondialiste de Sivens. Quand il y a des règles et du muscle, j'obéis lâchement. Mais il y aurait à dire quand même sur l'évolution des règles. Notamment sur l'évolution des règles d'un jeu qui raconte l'affrontement à la guerre, qu'on aseptise d'un côté pour le rendre moins brutal, mais qui s'envenime de l'autre pour devenir plus violent. L'autre jour, je marchais dans la rue avec Giulietta. Vociférante après 4 générations de joueurs de rugby qui l'avaient déçue, leur promettant l'écartement public, en place publique, quand nous nous sommes retrouvés marchant entre deux rangées soudain de lierre. Ils avaient recouvert les palissades d'un chantier de papier peint de lierre. Mais pourquoi pas des paysages d'Écosse ? Ils nous prenaient vraiment pour des gens assez cons pour croire que du vrai lierre pousserait sur une palissade de chantier en plein Paris ? Et tout ça pour quoi faire ? Pour faire plus joli, si c'était le cas, c'était raté. Non, non, moi je crois que l'idée était bien plus terrible. C'était pour faire oublier aux habitants aisés de ce quartier que derrière ces palissades, des ouvriers du bâtiment retapaient dans le froid et la boue leur hôtel de luxe. L'effet sur Giulietta, par exemple, était complètement inverse. Elle avait désormais le désir d'étaler les tripes fumantes des incapables sur toute la promenade des Anglais. Sa fureur s'était décuplée. Mais pire, pire, bien pire, ils avaient mis de la musique. Mais pas n'importe quelle musique. Non, c'était un air connu, doux, suave, mais interprété sans désir. Les notes bien rangées dans le synthé, immonde. The Girl from Ipanema. Chanson expérimentale, audacieuse, créatrice de ce balancement unique qui avait fait notre éducation sexuelle pendant des années et qui était devenue soudain la parfaite bande-son d'un monde sans aspérité, sans originalité, un monde réglé. Donc, non seulement je marchais dans un faux décor champêtre, mais je devais me taper la variante Lexomil d'une chanson géniale. Cette tisane était à la chanson de Jobim, ce que le foliaire est au vrai, ce que l'omelette en tube est à la bave ruisselante d'un bol d'œuf, ce qu'une carte postale est au tableau qu'elle représente. Un peu flou, les couleurs imprécises et délavées, le cadrage refait pour se glisser dans le format, et au recto, une légende lapidaire qui ne donne que nom et chiffres. Nuit étoilée, Vincent Van Gogh, 1853-1890. Ouais, heureusement qu'il le marque, parce que quand tu regardes la carte postale, c'est plutôt nuit noire. Hein. Et qu'on ne me fasse pas chier, excusez-moi les enfants qui sont là, je n'ai aucune nostalgie pour un âge ancien et glorieux, où tout soi-disant était si beau, si agréable, qu'on se demande bien pourquoi on a voulu à tout prix en partir et avancer vers un aujourd'hui dont on ne savait pas à l'époque combien il serait décevant, bien qu'on s'en soit évidemment douté. Non, loin de moi cette idée d'un autrefois idyllique, d'un Éden disparu, d'un pays de mon enfance, dont on sait assez bien sentir les dessous de bras qui puent et les petites lettres de pâte dans les soupes tièdes. Non, non, rien de tout ça. Pas question de retour vers le futur numéro 27 ou vers les chansons de Michel Berger, surtout pas. Ce que je regrettais, c'était l'imperfection de la mélodie de Jobim, la discrétion d'une palissade qui ne se cachait pas, un sport aussi, qui n'était pas seulement l'affrontement de tanks, mais un jeu où les voyous se lattaient en gentlemen. Giulietta, elle, les aurait suivis en troisième mi-temps, cela. Et mais moi, j'aurais suivi Giulietta. Car, comme l'avait si bien écrit Jean Giraudoux, c'est un amateur qui a construit l'Arche de Noé et un professionnel, le Titanic. Ouais, c'est ça. Je regrettais ce monde amateur. Merci Hippolyte Girardot. Je vous ajoute à la longue liste des chroniqueurs surréalistes de cette émission, Isabelle Sorrente et André Manoukian. C'est beau, mais on comprend pas tout. Il faut donc le temps de s'en remettre. Camille Yelnaï. I feel like I'm starting down an endless road. Le monde est-il las? Le monde est-il sot? Le monde est-il pile ou face? Le monde est-il sous plaie ou sous cause? I walk until I stop myself, but I see the time strange, but I remain. Naïm, I walk until, je marche jusque. Et voilà. Oui, mais c'est ça aussi. C'est après, c'est à vous d'imaginer la suite. Daniel Herrero, notamment. Daniel Herrero, notre invité pour Dictionnaire amoureux du rugby chez Plon Flammarion, dictionnaire illustré. Si vous n'aimez pas le rugby, vous allez l'aimer après. Et Daniel Herrero, qui est le papa de la scénariste de 10% qui cartonne pour l'instant. Le départ est bon de 10%. Ah ouais. Et notre fierté, tout au moins, notre plaisir de voir la série belle et notre fille ou ma fille aux commandes, tout au moins, du contenu et du dialogue, et du scénario dans son ensemble, me ravit. Ouais. J'imagine. Et j'imagine. Votre fils aussi, pardon, qui fait des reportages magnifiques sur Canal. Voilà, sinon votre tante va bien. Il faut faire gaffe, je t'avoue. Mais... Et autour de la table, Juliette Arnaud, qui me seconde avec brio pour l'instant. Je pense que Charline peut rester en vacances. Hippolyte Girard. Et c'est l'heure, tant attendue, Guillaume Meurice, qui a encore réglé un gros problème, je pense. Tout à fait, Alex. Moi, aujourd'hui, je vais vous parler du Front National. Ah. Et je suis particulièrement heureux d'en parler aux côtés de Daniel Herrero, parce que Girardot avait raison. Regardez-moi ce look de gauchiste attardé. Le mec, il a mis un bandeau dans les cheveux pour faire comme Rambo, mais personne n'est dupe, Herrero. Vous n'êtes pas américain, vous êtes un putain de communiste. Vous avez la tronche de Karl Marx, vous êtes vice-président des Amis de l'Humanité, et vous avez même édité en 1997 Petites histoires racontées à un jeune du Front National, sale gauchiste. Vous avez bien choisi votre radio, hein, Radio Bolcho. Heureusement que je suis là pour assurer le pluralisme. Heureusement que je suis allé ce week-end dans le Nord-Pas-de-Calais à la rencontre des électeurs de Marine Le Pen, à la prochaine élection régionale, bien sûr, pour casser les clichés et la condescendance que vous avez tous sur ces gens-là. Alors, dans un premier temps, je peux vous dire que ce sont des gens accueillants. C'est cet électeur du FN qui me l'a confirmé. Il aime sa région car... Il y a beaucoup d'étrangers. Et ça nous donne l'occasion de les orienter, de leur dire allez là, visitez. Vous aimez bien qu'il y ait des étrangers. Oui, mais ouais. Je ne crache pas non plus sur le Front National. Ah bon ? On peut... Mais pourtant le Front National, ils n'aiment pas trop les étrangers. Ils ne sont pas contre les étrangers, ils sont contre l'envahissement. Mais vous avez l'impression d'être envahi par exemple ? Absolument. Vous venez de dire que vous étiez content qu'il y ait plein d'étrangers. Content qu'il y ait des étrangers. Il y a des Belges, des Allemands, des Hollandais, tout ça. Eh ben voilà ! L'électeur d'extrême droite n'est pas contre les étrangers. Il est même prêt à accueillir les réfugiés politiques qui viennent de Belgique, de Hollande, d'Allemagne. Putain, on peut quand même pas nier que l'extrême droite, par le passé, a très bien accueilli les Allemands. On le sait. Ne soyez pas de mauvaise foi comme ça. Voilà. Alors, oui, en effet, peut-être qu'ils ont des préférences parmi les étrangers. Ça, c'est humain, hein, c'est comme tout le monde. Par exemple, cet autre électeur FN, il aimait un peu moins qui ? Les Roms. Pourquoi vous les aimez pas ? Parce qu'ils sont sales, c'est des voleurs. C'est sale pour eux. Mais c'est quoi, c'est dans leur culture alors ? Bah, je pense, hein, c'est qu'ils veulent bien vivre comme ça, leur saleté, leur... Vous avez une culture de personne propre ? Bah, moi, je suis quelqu'un qui se lave comme tout le monde. Oui, bah oui, comme tout le monde. Pas tout le monde, a priori. Hein. Les Roms, ils se lavent pas, ça c'est vrai. Et puis les gauchistes non plus. Hein. Si j'en crois l'odeur de vestiaire qui a envahi le studio depuis l'entrée de ces monsieur Herrero. Alors évidemment, c'est facile, Charlie n'est pas là. Et vous avez pas d'odorat, Alex. Alors comment on fait ? Hein, demain, on invite qui ? Un pétomane ? Un roux ? Voilà, bah, je me permets parce que... Oui, on va recevoir des mails. Je me permets parce que c'est vous sur cette antenne qui a avez affirmé que les roux sentent mauvais. Hein. Vous avez fait du roussisme, Vizorek. Du roussisme. C'est une forme de raciste. C'est scandaleux. Jamais un électeur FN n'aurait dit ça. Un électeur FN n'est pas raciste. C'est même une électrice qui me l'a confirmé. Écoutez donc. Même moi qui ne suis pas raciste, il y a des choses aussi quand même qui... On se demande où on va, c'est vrai. Quoi donc alors? Qu'est-ce qui vous paraît inacceptable? Par exemple, c'est vrai que, bon, je comprends les immigrants, enfin tout ça, bon, et les gosses qui sont là derrière des camps par terre, enfin non, j'ai du mal. Nous, on a deux chiens, ils dorment avec nous, ils sont, c'est quand même un monde. Bah oui, c'est quand même un monde, les migrants, ils font dormir leurs gosses par terre, alors que cette brave dame, même les chiens, les fait dormir sur son lit. Ces réfugiés n'ont aucune humanité, aucun sens de la justice. Tiens, en parlant de justice, les électeurs du Front National, ils en ont après une certaine ministre, laquelle? La Toubiran. Ouais, et alors, vous l'aimez pas? Pas du tout. Pourquoi vous l'aimez pas? Mais parce que je l'aime pas, j'ai le droit, non? Oui, d'accord, mais pourquoi? Mais parce que c'est une imbécile. Oui, mais qu'est-ce qui vous fait dire ça? Mais parce que je fais Facebook, je vois tout. Eh ben oui, elle voit tout, elle a Facebook. Donc elle fait un vrai travail de recherche, elle recoupe les sources, elle prend une vidéo d'un chat qui se lèche les roubignoles, elle recoupe avec une vidéo d'Alain Soral, elle bosse, elle enquête, elle a raison cette dame. Elle propose même une hypothèse sur la personnalité de la garde des Sceaux. Elle est con comme une valise. Ah bon? Eh oui. Qu'est-ce qu'elle a fait alors de con? Elle est imbue. Elle est imbue? Imbue de sa personne. Alors qu'est-ce que vous aimez bien en politique? Que moi. Ah vous? C'est tous des imbéciles. Vous aimez bien vous? Oui, moi je m'aime. Et vous n'êtes pas du tout imbu de votre personne du coup? Pas du tout. Non, bah, j'ai eu un doute à un moment donné, hein, mais en fait non, pas du tout. Parce que c'est vrai que quand on est passionné, on peut se laisser emporter par la cause qu'on défend, parce que les électeurs du FN sont véritablement en lutte, il faut le dire. Tiens, la dernière chose contre laquelle l'électeur du Front National a déclaré la guerre, c'est quoi? La délinquance, beaucoup de délinquance. Bon, j'ai resté sur l'île pendant 15 ans. Il y a des quartiers qui vaut mieux pas traîner au soir trop tard, quoi. Et oui, ils ont déclaré la guerre à la syntaxe, la grammaire et la conjugaison. Et ils sont en train de gagner cette guerre, bien aidés en cela par tous les gouvernements successifs, hein, qui ont pris comme excuse la crise pour foutre en l'air l'enseignement scolaire. Vous pouvez faire tous les efforts que vous voulez pour endiguer la montée du Front National. Elle continuera tant que le dernier vrai territoire perdu de la République restera l'école. Merci Guillaume Meurice, Daniel Herrero, je dois vous faire réagir là-dessus parce que je sais que c'est un de vos combats, le Front National. Oui, le Front National, oui, attendez, je vais passer quand même une éponge aux collègues pour qu'ils se... Oui. Je sens qu'ils suintent un peu à la fois des aisselles et que les odeurs de ce studio... De fait, alors le Front National, effectivement, ça me semble aussi très malodorant. Ouais, oui. Très honnêtement, pour moi, c'est une lutte permanente, je dirais même un combat. Et si de temps en temps, il faut être dans la sévérité, c'est probable, c'est pour ce qui me concerne. Je viens de la terre de Provence, de Toulon, qui a connu dans les temps pas si lointains que ça, une gestion de cette idéologie politique. Et pour moi, elle est l'objet d'un grand combat permanent et tout azimut. Eh bien, je suis ravi de vous l'avoir entendu dire. Sujet 2, là on va retomber dans votre thème de prédilection. Précaré, très bien, la spécialité des rugbymen néo-zélandais, c'est le haka. La spécialité de la Fédération de Française de Rugby, c'est le aïe aïe aïe. Et oui, la FFR a nommé une cellule technique pour repenser l'Ovalie où rien ne tourne plus rond, sauf la bonne ambiance. Il y avait déjà le grand Benoît qui s'était fait mordre les noix par un salopard d'Écossais qui voulait monter à l'essai. Mais le Benoît, vous le connaissez, il a tendrement enlacé et le roast beef tout étonné crachait son foie comme du pâté. Vive le 15, vive le 15. Vive le 15, Pierre Perret en 71, les années 70, Jean-Pierre Rive, Joe Mazo, à l'époque tout tournait. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il n'y a plus de chanteurs populaires pour chanter des chansons de rugby, à part Patrick Sébastien qu'on salue. Qu'est-ce qui se passe à la Fédération française de rugby? Ah ben, il se passe de cet ordre-là, quand même, le chant ancestral de Pierre Perret sur la jovialité qui habite le monde du rugby. Cette jovialité-là s'éternit dessus, hein. Elle s'éternit dans le comportement des hommes, elle s'éternit par la rigueur du professionnalisme, la jovialité et le goût de l'aventure, il s'éternit par la méthode, par la science qui nous envahit, l'importance des compétitions, par l'absence de ludique, toujours au profit du sérieux et du sévère. Est-ce qu'on peut résumer ça sous le terme pognon? Non. On peut revenir sur le terme performance obligatoire. Seule la victoire est belle, ce qui est une vilainie absolue. Qui est, bon, l'univers du capital, par rapport à ce que disait Hippolyte tout à l'heure, a pris d'évidence la puissance, le pouvoir sur l'univers de l'âme, des amateurs. En d'autres termes, aujourd'hui, et c'est bizarre parce que dans le monde entier, y compris en Coupe du Monde, là où ça pétille, tu vois, où là les intérêts sont colossaux quand même, c'est les gros événements, presque toutes les nations du monde ont retrouvé jovialité, goût de l'aventure, tu vois, sens de la passe et je dirais solidarité transcendante sur le bonheur. Sauf les coqs. Sauf la France. Et ben voilà. Ben alors je lis dans votre... Sauf la France. Pas l'Écosse. T'as dit l'Écosse ? Non, j'ai dit l'Écosse. Non, parce que l'Écosse a été sublime aussi. Alors, bon. Je lis dans votre dictionnaire amoureux A, comme All Black. Ouvrez les guillemets. En Nouvelle-Zélande, tout ce qui est né avec une bite entre les jambes rêve d'une seule chose, devenir All Black. Pas président de la République, ni star de cinéma, ni chanteur de rock. All Black, me disait embrumé de bière un ami néo-zélandais. Est-ce que ça... Ça manque peut-être en France. Non, là, ça pose le problème de dans la terre de Nouvelle-Zélande, petit pays, 4 millions d'habitants. Si le bon Dieu a bien fait les choses, il y a 2 millions d'hommes et les 2 millions de mâles. Tu vois, tout azimut dans toute leur histoire, j'allais dire quasiment de la couche de l'école de l'école maternelle jusqu'à, tu vois, jusqu'à la maison de retraite, pratiquent et jouent au rugby. Le rugby les imbibe. Le rugby est une manière d'être au monde. Le rugby est une manière de se rencontrer. Le rugby est une manière de vivre ensemble. Bon, là, c'est du vivre ensemble. Donc à partir de là, les All Blacks, ils sont toujours redoutables parce que d'où qu'ils viennent, ils ont au moins, quand il a 20 ans et qu'il attaque à un bon niveau, il a déjà 20 ans de rugby dans ses guibolles. Nous en sommes loin. Ça poserait le problème de la formation ou ça poserait le problème de la considération du jeu lui-même. Là, quoi. Là, nous ne sommes plus des considérants du jeu. C'est pas le jeu qui nous fait grandir vers le bonheur. C'est à travers lui, peut-être, une hypothétique performance qui nous donnerait l'illusion d'être grand. Quoi. Et je lis dans votre chronique du JDD, vous faites une chronique anticipative ce dimanche. On est le 26 octobre 2020. 23, et vous imaginez une finale de Coupe du Monde de rugby entre le Japon et la France, que la France gagnerait. Donc, Daniel Herrero pense que la France peut redevenir la meilleure nation de rugby au monde. Ou c'était un sketch ? Non, c'est pas un sketch. Non. C'est un petit artifice de construction. Pour dire, si tu te projettes dans une quinzaine d'années ou dans une dizaine d'années, probablement le rugby de France aura développé, parce qu'il les a déjà en son sein, et des talents et du volume de joueurs. Si on les fait jouer dans le top 14, alors, les joueurs français... Il y a une question sur laquelle il va falloir répondre. Il y a beaucoup d'étrangers qui viennent de l'extérieur. Mais enfin, bon, dans une dizaine d'années, on peut penser que la culture de France, l'âme de France, y compris il y a 450 000 licenciés, tu vois, il y a 4 000 clubs, ben, tout ça, c'est porteur d'un vivier de qualité d'évidence. On ne met pas aujourd'hui, même en doute, dans le fracas, c'est-à-dire dans le désastre du moment pour le rugby de France, on ne met pas en doute tellement la technicité, on met en doute les appétences, qui est beaucoup plus délicat, beaucoup plus suspect. On met en doute la jovialité d'être. Moi, je pense qu'en 2023, on peut être champion du monde, tu vois, parce que je pense qu'il y a dans la mémoire et dans l'âme de France et aujourd'hui dans les temps contemporains, tous les attributs, tu vois, pour qu'on y soit. Il reste prêt qu'il faudrait quand même que les gens qui nous entourent aient aussi les compétences pour traiter le jeu. Quoi. Moi, j'ai un conseil, un tournoi des deux nations avec la Belgique et là, ça va évidemment élever le niveau. Samir Bouadi, notre spécialiste sport ici. Ben oui, je vais vous parler d'un temps où les commentateurs sportifs étaient différents. Il fut un temps, chers amis, où les intellectuels, ceux qu'on appelle aujourd'hui les intellectuels, se cachaient pour lire l'équipe. Eh oui. Il fut un temps où les joueurs de foot n'attiraient pas les top models. Hein. Il fut un temps où lire ou écouter du sport était un aveu de beaufitude. Ce temps-là, pour le meilleur ou pour le pire, il est révolu. Hein. En effet, il y a eu ce revers de médaille en or pour les rédactions qui vit l'agente germano-pratine, alors entendez par là les sociétaires des bars littéraires de Saint-Germain-des-Prés, avouer leur fascination, leur amour pour le sport. Le sport, c'est quoi le sport ? C'est ce truc un peu fou qui voit les femmes et les hommes bouger leur corps et repousser les limites de l'espèce humaine dans des pratiques diverses. Ainsi, l'intellectuel maigre, littéraire, le cagneux, alors je rappelle ici que le cagneux vient, le mot hippocagne vient de là, on vient du mot cagneux, a le droit aujourd'hui de parler de Cruyff ou de Jean-Pierre Rive, sans passer pour un gros naze avachi devant sa télé qui sifflerait des bières et péterait comme un sourd pendant que Bobonne répriserait ses chaussettes. L'intelligence des corps aura eu raison de la bêtise de certains cerveaux et aujourd'hui on peut être une tronche et parler de Zidane librement, simplement. On peut même écrire des livres, lever sa verve à la santé de tel perchiste ou de telle nageuse. On peut commenter entre bobos l'errance de Cavani, le revers de Federer et Federer de fait des fêtards fatigués de faire les fiers en feignant la philo, alors qu'au fond, ils ne fondent que pour la feinte. La feinte de corps, le contrôle parfait, le geste sûr. Le sport, mes amis, est devenu une pratique intellectuelle et les intellectuels y trouvent l'occasion de viriliser un discours jusqu'ici désincarné. Bah, ça le fait bien de parler de sport. Pivot et Pelé, Falkenkroth et Zidane, Zemmour et Rocheteau. Bah oui, il est content, parce que le sport est devenu aussi un vecteur de propagande. Hein. On parle pour certains de noirs en équipe de France, trop de noirs en équipe de France. Et pour certains, on parle de Black Blamber, hein. Zemmour et son équipe d'Allemagne. Et pour certains, Brésil 86. Ah, c'est devenu saut tendance, saut politique le sport. En décembre 87, Platini avait accepté de répondre aux questions de Marguerite Duras pour une interview fleuve, Paris, dans les colonnes de Libé. Qu'est-ce que c'était bien. Duras et Platini, c'est surtout à pisser de rire hein, quand on leur dit aujourd'hui. Hein. Alors d'un côté, t'as le terrain, t'as la boue, t'as les crampons, t'as les hivers lorrains, les étés piémontais, puis de l'autre, t'as la naphtaline hein, comme une dose d'opium qui galvaude le sublime et met des mots là où seul le corps a le droit de citer. Fantasme, ange bleu, bla bla bla. Platini derrière dira plus tard que c'était son match le plus difficile, Matt, tu m'étonnes. Hein. La limite est là, hein. Le sport ça passe aussi par le corps et là où le journaliste politique a matière à réfléchir. Le bavard des rédactions sportives qui joue comme un pied à la pétanque a du mal à convaincre l'art de la critique et la critique de l'art. Aujourd'hui, on a démocratisé le sport par le haut. Bah oui, c'est comme ça. Hein. Ce sont les grands de ce monde qui en parlent. Hier, matière à endormir les cons, le sport est aujourd'hui au cœur de toutes les convictions, hein, au centre de toutes les transactions. Montaigne qui dribble, Rousseau à la baguette, Voltaire qui fait un joli contrôle de la poitrine, et tous ces politiques qui échangent leurs maillots comme en temps de veste qu'on retournerait à l'heure où la laïcité au sein même des équipes de France pose question, because halal ou pas la viande à la cantine de Clairefontaine. Mais revenons à nos moutons, sans jeu de mots les gars. Alors oui, parce que pour parler de littérature, de politique, de peinture ou d'amour, bah, il faut avoir du talent. Hein. Ah oui, bah oui, la passion ne rend pas légitime. Alors imaginez l'opportunisme. Hein. Bref, de mémoire de rose, on n'a jamais vu un jardinier mourir, c'est-à-dire qu'un jour, peut-être, on entendra un commentaire inspiré de la part d'un journaliste qui ferait acte de pudeur et se cacherait derrière l'événement, comme un acteur derrière son personnage. Ça a déjà existé, paraît-il. Ouais, c'était à l'époque où les journalistes sportifs, ou pas d'ailleurs, n'étaient pas starisés plus que ceux dont ils narraient les exploits. Belle époque, hein, où l'errance des héros faisait les héros, quoi. Merci Samir Bouadi, les beaux mots Samir. Sur le sport. C'est comme dans votre livre, Daniel Herrero, Dictionnaire amoureux du rugby. Je pense que vous avez deux passions en commun, les belles lettres et les beaux efforts. Troisième sujet, c'est Juliette Arnaud qui l'a choisi, qui va nous le lancer, qui l'a beaucoup bossé ce sujet. Oula, énormément, j'ai passé mon week-end, je suis épuisée. Oui, parce que donc le week-end, et c'était aujourd'hui dans le Parisien, hein, le génie de moi. Le Parisien nous régale donc en nous dévoilant les surnoms que se donnent entre les hommes politiques, hein, puisqu'on vient de découvrir celui de Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense, qu'on appelle Doudou. C'est un oxymore. Oh. Doudou, défense, ça marche pas. Voilà. Ah bah et en plus, c'était celui de Balladur. Vous vous souvenez, Fabius a appelé Hollande Fraise des Bois, qui lui-même l'appelle Dark Vador en raison de sa taille. Bernard Cazeneuve s'est chopé R2D2, c'est mignon. Alors que pour les mêmes raisons de centimètres, Nicolas Sarkozy s'attrape Napoléon, moins mignon. Et Gérald Darmanin, maire de Tourcoing, Chihuahua par Nadine Morano, définitivement meilleur en surnom qu'en droit constitutionnel. D'autres avaient réglé le problème des surnoms. Peut-être notre classe politique serait bien inspirée de s'en inspirer. Vous allez prendre d'autres noms pendant cette opération. Quelles que soient les circonstances, je ne veux pas que vous vous appeliez par vos prénoms, même entre vous. Vos noms, les voilà. Monsieur Brown, Monsieur White, Monsieur Blonde, Monsieur Blue, Monsieur Orange et Monsieur Pink. Pourquoi Monsieur Pink? Parce que t'es une pédale, ok? Voilà, amis de l'homophobie, bonsoir. Oui, mais c'est Tarantino, on ne peut rien dire. Daniel Herrero. Ces surnoms, ils sont quand même pas si drôles que ça, se moquer de la taille des gens, tout ça. Moi, je suis sûre que dans le monde du rugby, vous aviez vous-même... C'est plus subtil. Ça devait être plus subtil, c'est plus évident. Truculent, plus... drôle, plus... bien sûr. Ah, le surnom, non, c'est une aventure, le surnom, c'est une aventure. Mais ma foi, oui. Ouais, puis c'est une façon de s'approprier quelqu'un en ne lui donnant pas son nom et quelque chose que toi tu aimerais. Sans doute, ça va mettre en exergue un trait, probablement. Alors, nous, dans le monde du sport, par exemple, le trait mis en exergue, il est plutôt gratifiant. Non, plutôt, on dit, je sais pas, le petit Mozart pour Delegue, on disait Peter Pan pour Gachassin, on disait, Anaconda, tu vois, pour Thierry Jean-Pierre Henry. Rive, Casque d'or. Non, il y a des noms comme ça dans mais la... valorisant au point justement d'appeler un joueur l'anaconda. ou non, vraiment. Jamais dans se le fait monde pas. Du sport, tu l'entendras, mais de la copine du mec peut-être, tu vois, ou du jaloux en face. Ouais, mais du, alors du ça, ça, c'est le surnom que donne le journaliste sportif aux joueurs. Mais dans le vestiaire, c'est pas le même surnom, Daniel Herrero. Non, non. On est, à mon sens, ce que je peux ressentir sur cette dimension-là, on est plutôt sur le sobriquet convivial. Ouais. Quelque chose qui infantilise peut-être un petit peu, mais qui crée un lien, de fait. Et vous, c'était quoi? Je sais pas, peut-être comme dirait le collègue à côté de moi, je sais pas, le sauvageon 68 ans, ça me déplaît pas non plus, quoi, tu vois, l'allergique à la justice, mais ça c'est pas un surnom, enfin je sais pas, enfin, tout, ou, ça peut m'arriver qu'on me traite aussi à juste titre de gourou, ce qui n'était pas une offense, ou alors d'un peu limité du bocal, ce qui était ma foi quelque chose d'assez pénible, mais c'était pas non plus, tu vois. Mais il y a ce côté fleuri du surnom, vous aimez ça, j'aime justement, beaucoup ça. D'aller chercher un petit peu la comparaison. Oui, mais là, dans la présentation, on voit bien qu'il y a quelques surnoms qui te plombent, qui t'assassinent. Mais il y a eu pire. Il y a eu, alors, j'aime beaucoup Rachida Dati, qui était appelée à l'époque où elle était garde des sceaux à Champagne. C'est drôle. C'est drôle, petit dernier. Voilà, Christian Estrosi, le motodidacte. Ça, c'est drôle aussi, parce qu'il a dit qu'il aime la moto. Ça tient. Aujourd'hui, le vélo didacte, me fait moi. Oui, mais c'est parce qu'il aime la moto. Daniel Herrero, on a un dernier exercice à vous donner avant que vous ne partiez. Tous les invités sont conviés à participer à un sketch de fin d'émission. Alors pour vous, je vous ai donné un rôle fort, le rôle de l'entraîneur de l'équipe de Nouvelle-Zélande de rugby. On est à la mi-temps du match contre la France. Vos répliques sont en vert et vous avez une sacrée belle équipe. Il y a du Guillaume Meurice dans les vestiaires, il y a du Samir Bouadi et moi-même, autant dire, un pack de qualité. Attention, c'est la mi-temps et on vient de mettre un début de branlée aux Français. Oh putain, j'ai failli transpirer. Mais ils sont vraiment à 15, les Français, là. Bon, les gars, mais c'était quoi cette première mi-temps, là? Bah, coach, on gagne, non? Coupez-moi cette musique. Attends, vous aimez pas Patrick Sébastien? On a que 16 points d'avance, c'est serré. Ils peuvent revenir. Qui a rigolé, s'il vous plaît? Bah, tous, coach. C'est vrai, la France est un adversaire sérieux et ils ont... une chance de nous battre. Mais coach, on se retient de ne pas leur mettre une branlée. On ne sait jamais ce qui peut arriver en seconde mi-temps, s'il vous plaît. Ouais, effectivement, il pourrait y avoir un tremblement de terre qui ferait pencher le terrain de leur côté, à la limite. C'est ça, faites les malins. Ils nous ont battus en 99. Mais David a battu Goliath une fois, mais s'ils avaient fait la revanche, Goliath l'aurait explosé. Ouais, mais ils nous ont battus en 2007. On ne peut pas être chanceux deux fois. Même George Bush a été élu deux fois, donc on peut être chanceux deux fois. Et puis c'est pas tout à fait la même équipe de France. Ça fait 4 ans qu'ils n'arrivent même pas à monter sur le podium des 6 nations. Et les 6 nations, ils sont que 6 équipes, hein, quoi. Oui, merci, je sais. Et puis avec ce coach, il pourrait même participer aux Tri-Nations et rater le podium. Et Tri-Nations, ils sont que 3 équipes, hein, coach. Mais vous me prenez pour un con ou quoi? Je sais pas, vous croyez que la France a une chance, sérieux? Oui, peut-être. Non mais attends, sérieusement? Non, c'est des pipes. Voilà. Et là, on est tous d'accord, c'est des pipes. Mais bon, c'est pour ça qu'on était sympathique. Voilà, ça plombe le CV de l'entraîneur. Hein. En plus, il a déjà démissionné avant de venir en Coupe du Monde, c'est qu'il n'y croit pas du tout. Ouais, et puis coach, même eux, ils n'y croient pas. Il y a un signe clair. Mais c'est quoi? Bah, ils jouent en rouge. Oui, dès que le match est fini, ils se font passer pour des supporters gallois. Bon, pour vous rassurer, coach, en deuxième mi-temps, on va jouer avec les deux mains et on va courir sur le terrain. Voilà. Pauvres Français, à la place du AK, on aurait dû leur faire un câlin. C'est ça qui est arrivé. Ouais, vous avez rajouté, hein, c'est des bips, vous l'avez rajouté 3 fois, je l'avais écrit qu'une fois. C'est une métaphore. Non, j'entends bien. En tout cas, vous savez de quoi vous parlez, vous. Daniel Herrero, dictionnaire amoureux du rugby, on était ravis de vous accueillir. J'espère que vous vous êtes bien amusé, vous avez changé le monde avec nous. Est-ce que vous avez cette impression en fin d'émission? C'est ça, on a oublié de changer le monde. Allez, c'est ça qu'on oublie un nouveau, truc. À nouveau, l'échec. Mais en tout cas, merci, bonne finale de Coupe du Monde. Vous la commentez sur une radio concurrente? Oui, je suis sur Sud Radio et j'écrirai bien évidemment pour le journal du dimanche. Comme ça, on s'est dit. Merci à vous et dans le journal du dimanche, on vous lira après la finale. Merci Guillaume Meurice, merci Samir Mouadi, merci Pauline Girardot, merci Juliette Arnaud, vous fûtes une partenaire brillante. Et vous savez quoi? Revenez demain. Et je pense que ça va être encore mieux demain. C'est Laurent Vassilian, l'un des auteurs historiques des Guignols. Et je vais laisser le mot de la fin. Je le dédie à toute l'équipe de cette émission parce que quand Daniel Herrero y va, eh ben, on est tous un petit peu comme ceci. Vas-y petit, vas-y, vas-y, oui.